Les annulants de At-Tawhid, qui sont les annulants de la ilaha illallah. Définition de naqid, annulant. C'est ce qui annule la chose et la rend caduque de par sa présence. Il est un devoir pour toi, ô frère musulman, que tu saches que At-Tawhid a des annulants, comme As-Salat, la prière, en a. Si lors de la prière une personne commet un annulant, comme éclater de rire, manger, boire ou autre, alors sa prière est nulle. Il en est ainsi pour At-Tawhid. Si une personne commet quelques annulants, que ce soit de At-Tawhid, alors son Tawhid sera nul et elle deviendra un mushrik associateur, kafir mécréant en Allah. Parmi les annulants de At-Tawhid, on trouve 1. Al-Shirk en Allah. Allah dit, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Dieu, ton œuvre sera certes vaine. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate 39, verset 65. 2. Prendre des intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. Celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires en leur demandant l'intercession et en plaçant sa confiance en eux, sort de l'islam par unanimité. Allah a dit, ils adorent au lieu d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Sourate 10, verset 18. Telle est la situation de ceux qui visitent les tombeaux des saints et des gens pieux, en leur attribuant diverses formes d'adoration, telles que l'invocation, les vœux, l'immolation, la demande de secours et les tournées révérentielles autour de leur tombeau, tout en étant persuadés qu'ils seront leurs intercesseurs auprès d'Allah. 3. Quiconque ne rend pas mécréants les associateurs, ou doute de leur mécréance, ou raffermit leur mécréance. Ce qui est visé ici est le doute que peut avoir un musulman pour quelque chose dont la Oumma est d'accord sur sa mécréance, tels les juifs, les chrétiens, les associateurs et autres. Il n'y a pas de différence ici entre les associateurs de l'époque de l'ignorance qui témoignaient sur eux-mêmes de leur association et les associateurs de cette époque qui prétendent être musulmans et croyants, tout en attribuant à autre qu'Allah ce qui n'appartient qu'à Allah. L'imam Shawkani, rahmahullah, a dit « L'association n'est pas seulement le fait de nommer certaines choses par certains mots, mais l'association est de vouer quelque chose qui ne peut être voué qu'à Allah. Peu importe qu'on le nomme, comme les gens de la Jahiliya l'ont nommé ou qu'on lui invente un nouveau qualificatif, car la nomination n'est pas la chose primordiale. » 4. Se moquer de la religion du messager. Celui qui se moque d'une chose de la religion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou de la punition, ou de la récompense d'Allah, sort de l'islam. Allah a dit, « Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Sourate 9, verset 65-66. 5. La sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie, que ce soit « as-sarf », c'est-à-dire afin de séparer une femme de son époux, par la haine causée par la sorcellerie, ou que ce soit par l'atf, c'est-à-dire afin d'attirer un homme à une femme, ou l'inverse, ce qui reste quand même une part de sorcellerie, alors cette personne aura commis un shirk. Car quiconque cherche à obtenir un bien ou à repousser un mal en secourant à autre qu'Allah avec des moyens interdits, sort de l'islam. Le Très-Haut a dit, mais ceci, n'enseignez rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Sourate 2, verset 102. 6. Prendre parti avec les associateurs et les aider contre les musulmans. Le Très-Haut a dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. Prendre parti signifie vouloir pour eux la victoire et les aider contre les musulmans. 7. Jurer sur le respect des statues, des idoles ou des constitutions forgées ou sur tout autre tawarit. Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmahullah a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion d'Allah se fait par le cœur comme la croyance aimée, détestée, par la parole comme disant et en évitant de dire du kufr, des mécréances, et par les actes, comme accomplir les cinq piliers de l'islam et éviter de commettre des actes de mécréance. Et si une de ces trois choses venait à manquer, la personne serait mécréante et apostat. Voir dans Ad-Dorasaniya Kitab Hukm al-Murtad, le livre du jugement de l'apostat, volume 8, page 87. Il dit encore dans son pamphlet Kashf al-Shubuhat, élucidation des ambiguïtés, si tu as constaté que certains hypocrites qui ont combattu les Romains avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont sortis de l'islam à cause d'une parole qu'ils ont dite en plaisantant et en jouant, alors tu auras compris que celui qui dit une parole de mécréance ou fait de la mécréance par peur de diminution de ses biens ou de son rang ou du retournement des gens contre lui, eh bien, plus grave que de dire une parole en plaisantant. 8. Prendre un associé ou un égal à Allah dans l'amour. Ibn al-Qayyim rahmahullah a dit, voilà pourquoi le plus grand péché auprès d'Allah est ash-shirk. Et la base de celui-ci repose sur un shirk dans l'amour, comme l'a dit le Très-Haut. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Sourate 2, verset 165. 9. L'allégeance militaire à l'armée du Tarout. Servir dans le secteur militaire ou paramilitaire et leur renforcement et le combat à leur côté. Ceci est la plus grande signification d'allégeance au Tarout. Allah a dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. Ceci est à l'égard de ceux qui s'allient aux juifs et chrétiens. Alors que dire de ceux qui s'allient à At-Tarout? Allah a dit, s'ils croyaient en Dieu, au prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Sourate 5, verset 81. Cela va de pair avec le fait de mécroire au Tarout et de croire en Allah. Allah dit, donc quiconque mécroit au rebelle au Tarout, tandis qu'il croit en Dieu, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Dieu est audient et omniscient. Sourate 2, verset 256. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Sourate 4, verset 76. Quiconque sert dans le secteur militaire, même sans combattre aux côtés de At-Tarout, et tout en le détestant, et croyant en sa mécréance, celui-ci n'échappe pas au statut de mécréant, car il a montré la plus grande allégeance à At-Tarout, et il est jugé sur son apparence, et ce qu'il dissimule, Allah en est connaisseur. Al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit « Il y avait des gens qui étaient jugés à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la révélation. Mais maintenant, il n'y a plus de révélation. Nous vous jugeons aujourd'hui de ce qu'il nous apparaît de vos actes. Quiconque nous montre le bien, nous le rapprochons, et nous lui accordons la sécurité. Et ce qu'il dissimule dans son fort intérieur n'est pas notre préoccupation. Il rendra des comptes à Allah sur ce qu'il dissimule. Quiconque nous montre une mauvaise apparence, nous ne lui accordons pas la sécurité, et il ne saura pas que lui-même s'il déclare que son fort intérieur est bon. » Pardon, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Shahada, livre des témoignages. Le fait qu'il soit dans la mécréance est dû à sa non-mécréance de At-Tarout, car la façon de mécroire au Tarout repose sur cinq piliers. Premier pilier, croire qu'il est vain. Deuxième pilier, le délaisser et s'en écarter. Troisième pilier, le haïr. Quatrième pilier, le prendre pour ennemi. Et cinquième pilier, le rendre mécréant. L'inimitié est un acte apparent et le haïssement est un acte du cœur. Quiconque croit que At-Tarout est vain, le délaisse et le rend mécréant, mais ne le prend pas pour ennemi et ne s'en écarte pas, mais lui montre une allégeance immense, c'est-à-dire allégeance militaire. Celui-ci ne tire pas profit de sa haine ou du fait de le rendre mécréant, car un pilier parmi les cinq est manquant, et ce pilier est l'inimitié. L'inimitié à At-Tarout exige son délaissement, son éloignement, ne pas servir dans son armée, ni augmenter son effectif. Ce qui est visé par l'inimitié ici, et que la personne ne doit pas montrer ce qui peut la contredire ou l'annuler, comme l'allégeance aux ennemis d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne déclare pas son inimitié aux mécréants, à cause de sa faiblesse, ou afin de se protéger, On ne peut pas dire de lui qu'il n'a pas le pilier de l'inimitié, aussi longtemps qu'il le porte dans son cœur et qu'il ne nous montre pas son allégeance aux mécréants. Nous allons par la volonté d'Allah donner plus de détails sur ce sujet dans Ar-Risala 2 sous l'ambiguïté numéro 6. Et nous montrerons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté envers son oncle Al-Abbas et les autres musulmans qui sont sortis combattre à Badr avec les associateurs afin d'augmenter leur nombre. Note, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, rapporte, d'après Ikrima, serviteur de Ibn Abbas, Ibn Abbas m'a informé que des musulmans étaient avec les associateurs pour augmenter leur nombre contre le prophète alayhi salatu wa salam, se atteint par des flèches ou des coups mouraient. Allah a révélé, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Sourate 4, verset 98. Il les a traités comme il a traité les mécréants, bien qu'ils soient sortis sous contrainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas pardonnés malgré leurs contraintes, comme nous allons l'expliquer. Que dire de celui qui n'est pas dans cette situation et qui s'engage de lui-même cherchant une poignée d'argent, comme beaucoup de mercenaires qui troquent la vie de l'au-delà pour la vie d'ici-bas et augmentent les rangs des armées des Tawarites et leur montrent la plus grande allégeance. Allah a dit, et il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Dieu vraiment ne guide pas les gens mécréants. Sourate 16, verset 107. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit dans Kashf al-Shubuhat à propos de ce verset, il a déclaré que cette mécréance n'est pas due à une croyance, ni à l'ignorance, ni à la haine vis-à-vis de la religion, ni pour l'amour de la mécréance, mais plutôt à cause d'un profit dans ce bas monde pour lequel il l'a devancé à sa religion.